J'ai la rime adéquate. Avec quoi ça tue pour savoir que la gueule ça dégoûte. La rime je la dégaine. Donc qu'est-ce qui s'agèle. J'ai jamais sans vent, désolé pour la gêne. Occasionné, mais c'est l'occasion. À l'occasion, écoutez la voix est sombre. Ta caisse sous ta location. Avec élocution, je m'applique. Ton rap, je te plaque. Je te raque, braque. Son cagoule, son gant et sans plaque. Ça, c'est du sans plaque. Tu sens pas, tu perds son blague. On fait tous la musique, plus ou moins pour nous semblable. La rime ne parle pas, bouge ta tête, tu parles pas. Mais toi, allez, ce soir, je suis telle heure de perdre. Ça, c'est pour les pas qui ont fermé des portes. Fermer des portes, rime, je la déporte. Je la déporte, elle causera des pertes. Personne ne savait même pas que je rappelle. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. J'suis de retour là où on ne m'entend pas. T'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y entends pas. Personne ne savait même pas que je rappais. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. J'suis de retour là où on ne m'entend pas. T'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y entends pas. T-A-W-A, oh my god, ouais, le feu fait mal. Ça la fout mal, le rappeur fait mal, et fout mal. Quand j'ai choisi mon camp, d'avoir attaquant. Ça fait bail que je rappe, si t'es pas content, check. La carte du rap, j'tar, pour que ça reste durable. Des rimes rap, j'étais, je suis un fan de rap. Avec un fan de loup, fan de loup. Rap, on peut rap, on vient de coupler la suite. Ensuite, c'est fan de vous. Qui me connaît mon flow, et MC, j'crois que t'as vu flou. C'est fan de que le bonhomme qui fait le bonhomme, Harry Fleur. Je fais que la rime quand elle a une valeur. Apprécie mon rap dans l'air du temps de la vie. Ça juste valeur à faire de ma couleur. J'suis pas du genre à décolleur. Mon flow décolle, t'annonces l'air et la couleur. J'suis pas bleu comme neige. Ma couleur est noire. Ma vie n'est pas en or. J'attends encore mon heure de gloire. Personne ne savait même pas que je rappais. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. J'suis de retour là où on ne m'entend pas. T'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y attends pas. Personne ne savait même pas que je rappais. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. J'suis de retour là où on ne m'entend pas. T'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y attends pas. Personne ne savait même pas que je rappais. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. J'suis de retour là où on ne m'entend pas. T'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y attends pas. Personne ne savait même pas que je rappais. Croyait que dans la merde, mon destin aurait dérapé. On ne m'entend pas, t'as pas fini de m'entendre là, là où tu t'y attends pas. Dawa ou Magre. Yeah. Comment ça ils disent tous Ray? C'est nous les Ray. Yeah, le choix des armes.